Ça veut pas. We'll be right back. Ouais, j'arrête ma batterie, ouais. Elle est où cette batterie? Ah ouais, d'accord. Mais elle est pas forte. Moi, je suis sourd, moi. Wish I could. We'll be right back.